Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika, tous les vendredis, à partir de 19h, vous savez, c'est le rendez-vous de la musique de la région orléanaise, et même un peu plus loin, de temps en temps, on prend aussi quelques libertés, et on va un petit peu plus loin, parce que forcément, on est Orléans, donc on écoute en priorité quand même les artistes qui peuvent se déplacer, qui viennent ici dans les studios. La semaine dernière, nous avions justement un groupe qui était venu ici dans nos studios, il s'agit de Dirty Charlie. Eux, ils étaient venus de Tours, ils ont quand même fait l'effort de faire une centaine de kilomètres aller pour l'aller et pour le retour, hein, 200 kilomètres. Ils étaient venus à deux pour représenter le groupe donc Dirty Charlie. Il y avait Fred et George. Voilà, vous avez pu voir les photos sur le Facebook de l'émission Mavrika. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, donc on va faire une petite émission. On va diffuser le maximum de musique comme vous en avez l'habitude. Alors, on avait commencé déjà cette émission avec un groupe mythique de la région orléanaise. Il s'agit des Burning Heads avec un titre qui s'appelle Fear. C'est sorti tout récemment. Ça doit avoir une semaine ou une semaine et demie, un truc comme ça. Et nous, on l'a déjà diffusé dans l'émission Mavrika, et c'est avec plaisir qu'on diffuse à nouveau, parce que c'est un groupe qu'on adore. On les a reçus deux fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a consacré deux émissions, mais il y avait eu un seul membre, et j'aimerais tellement, s'ils nous écoutent ou si vous les connaissez, dites-leur, j'aimerais tellement qu'ils viennent tous les quatre ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit, les quatre, oui, même ça change un petit peu au niveau du nombre dernièrement. Enfin, ça, on fera justement un petit point sur les Burning Heads, hein, un des groupes les plus connus de la région orléanaise. C'est vrai que quand on se déplace un petit peu à droite à gauche en France, on nous parle souvent, ah, vous êtes d'Orléans, vous connaissez les Burning Heads. Ouais, forcément. Donc le morceau s'appelait Fears. On a continué avec un autre groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, les membres continuent à faire d'autres projets, hein. Ils s'appellent les Uncommon Men from Mars. Le morceau qu'on écoutait, c'est Everyone Against Me. Nous avons aussi écouté un autre groupe que j'ai découvert il y a quelques temps en concert, que j'aimerais bien revoir à nouveau, parce que franchement, ça envoie du bois. C'est de la superbe bonne musique. C'est les Sharpers qu'on vient d'écouter à l'instant, qui s'appelle, avec un titre qui s'appelle Till the End. Voilà, on est ensemble pour 3 heures, hein, c'est de 19h à 22h. Vous en avez l'habitude maintenant. N'hésitez pas à nous mettre des petits coucous sur le Facebook de l'émission Mavrika. Je suis tout seul dans le studio, donc je peux vous répondre. J'essaie de mettre aussi le programme à jour. Il n'est pas tout à fait, mais en attendant, eh ben, vous aurez un très beau programme avec de la très bonne musique, comme d'habitude. En tout cas, le rendez-vous est pris, hein, pour tous les vendredis, hein, d'ici dans au siècle qui vient. Tous les vendredis soirs, eh ben, à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika avec Alvino. On continue tout de suite avec un autre groupe dont je ne connais pas encore tous les membres, mais j'en connais déjà certains. Il s'agit du groupe les Uncle Biker. Alors, ils sont de la région, et peut-être d'ailleurs, je ne sais pas exactement. Le mieux, ça serait qu'un jour ils viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous en parler. Il y a déjà un membre, c'est celui, le chanteur, qui s'appelle Jack F, qui est déjà venu à plusieurs reprises avec plusieurs projets. Il est venu avec les Stingers, il est venu avec Jack F, son projet à lui. Il est venu aussi, j'en oublie. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas bien grave. En tout cas, il a plein de projets. C'est un gars qui est toujours à fond sur scène, et c'est toujours un plaisir de le retrouver. Et ça commence à nous manquer un petit peu, les scènes, hein. Vous êtes d'accord avec moi? We'll be right back. Anyway. Love will make you cry. You better go away, away from him. Love will make you suffer. Love will make you crazy. You better go away, away from here. It's hard to talk about it. It's hard to live without it. I cannot explain. I used to feel the same. You feel love for the first time, and you don't want to let it go. You feel love for the first time, and nothing really matters anymore. Nothing really matters anymore. Love will tear you apart. Love is like a prison. You better go away before you fall down. Love is suicide. Love will break your heart. You better go away, away from you. It's hard to talk about it. It's hard to live without it. I cannot explain. I used to feel the same. You feel love for the first time, and you don't want to let it go. You feel love for the first time, and nothing César sur Radio Arc-en-Ciel avec The Pain of Love. J'ai discuté avec lui cette semaine et puis il m'a demandé de diffuser le morceau. Ça fait déjà un mois qu'on le diffuse dans l'émission Maureka. On n'a pas attendu qu'il nous le dise. En tout cas, on est très content de le diffuser parce que c'est quelqu'un de super bien que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Il est déjà venu sur Orléans et j'aimerais bien qu'il revienne pour une émission spéciale. En attendant, Joseph César, ben, c'est un artiste de la région parisienne d'origine portugaise qui n'enlève rien. Hein, et il interprète des superbes belles chansons. Il a énormément de talent. Juste avant, c'était un autre groupe qui a lui aussi beaucoup de talent. Nous avons déjà reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est le groupe Summer Chains. Vous avez une petite série un petit peu qui envoyait du bois. Hein. Donc il y avait les Summer Chains avec le titre Maze. Juste avant, c'était un groupe blésois dont la chanson fait partie de la compilation Roxette. Voilà, ils étaient venus il y a quelque temps, l'association Roxette, représentée par Philippe Di Bébert et Christophe, qui nous sont venus nous parler de cette compilation, 18 morceaux, 18 étapes. Donc, ça a été enregistré au studio Pôle Nord et vous pouvez retrouver ça sur le site internet de l'électrophone. Voilà, donc le morceau, c'était... Elstrowells. Et le morceau qu'ils ont interprété, c'est un morceau des Chili Dogs, un groupe orléanais, et ça s'appelle Something Must Change. Juste avant, c'était encore un groupe voilà qu'on passe assez régulièrement, puisque c'est un groupe de gens qu'on apprécie beaucoup. Hein. Ils ont composé un groupe avec plein de membres que j'avais déjà reçus dans d'autres groupes, donc la musique continue, ça c'est vraiment important. Et c'est Prisma avec un morceau qui s'appelle Rock Now. Voilà, on a commencé une petite série un peu plus cool en espagnol. En espagnol, pourquoi pas. Non, pour l'instant, c'était en anglais, en français. Peut-être un petit morceau en espagnol. Je vous ai concocté ça juste après. Mais là, on va continuer avec encore un morceau, un extrait de la compile Roxette. Taïa Zabeu avec American Escape. Juste après, on écoutera La Jarry avec On n'a pas le choix. Et vous allez voir encore, je vais vous concocter encore pas mal de bonne musique pour suivre tout de suite. Donc, c'est Taïa Zabeu sur Radio Arc-en-Ciel. Salut à tous, on est La Jarry. Et tu sais quoi, si on s'en faisait une petite pour Albino, on écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrika. On n'a pas le choix. Allez Mavrika. On n'a pas le choix. Être à découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop chère, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt.

de poitrine. Ouais, du genre de libertine. Elle pourrait poser dans les magazines. Et ouais, ouais, comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, tu dirais qu'on court chez sa cousine Berthe. On s'enlève. Et je changerai en servant chacun des prétendants. Je n'usais plus de charme et de muscles uniquement. Je te prendrai de France version Alexandre le Grand. J'envahirai abondamment d'usine vague, cheveux chants. Je serai toi pour l'empereur, ton conquet. Pour le coup, 3-7-3-7, tous tes pépères. Pour aller danser le jazz. C'est ce qui me plaît. Richard et ce Perret m'ont les oreilles refaites. La puissance douce me fout la frousse. Je sens en français comme la mer de Trenet. Intemporel, aussi saignant que Brel. Confinement général, complotiste bacchanal, avec sa charge virale. copain. Silhouette qui s'enfuit au petit matin dans la brume. Lovecraft sous la pluie.

fox de son loin. Mes mains sonnent le tocsin. Je m'égare famille. Tu es là près de moi. Vraiment, merci. Merci, chérie. Oh, quand j'aime, tu es là près de moi. Dans mes après. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. On vous laisse en compagnie de bons artistes. Voilà, ouais. Les radios se vantent souvent de faire des émissions où il n'y a pas de publicité. Nous, Radio Arc-en-Ciel, on s'en vante pas, mais on le fait. Voilà, c'est un peu simplement. On vous laisse pratiquement une heure sans que je parle. Donc, on a eu le temps d'écouter pas mal de bons artistes. On a écouté. On va remonter jusqu'à la dernière présentation. Donc, Taïa Zabeu avec American Scape, tiré de cet album, cette compilation de l'association Roxette, qui a repris une chanson qui s'appelle American Scape. On a eu aussi La Jarrie avec On n'a pas le choix, les Dirty Charlie, voilà, le groupe que nous avions reçu la semaine dernière. Et le morceau que vous avez écouté tout à l'heure, c'était vraiment un morceau qui a été enregistré pendant l'émission. Donc, merci à notre ami Florent qui fait les podcasts. Donc j'ai récupéré le podcast, j'ai extrait ce morceau-là et vous avez pu le réécouter à nouveau. Vraiment un moment fort de l'émission précédente, donc dans laquelle nous avions reçu Dirty Charlie représenté par Georges et Fred. Voilà. Juste après, c'était Forever Kleps avec le titre Forever Kleps, un groupe que je connais depuis très longtemps. J'étais encore à l'école, mais toujours là. C'est Comme Intern Sect avec Que restera-t-il de toi. Effectivement, le groupe dure depuis très longtemps et c'est une question qu'on finit par se poser un jour ou l'autre. De toute façon, il n'y a pas de souci. Le groupe Angeville avec Monstre Moi. On a continué avec Arigoni et Georgia Pouliquin avec le fameux titre Défends-moi. Ils étaient venus ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour le défendre. Donc il y avait Georgia Pouliquin et Polo Paletta qui étaient venus nous parler de leur roman qui s'appelle Défends-moi. Nous avons aussi reçu Youth il y a quelques semaines et on l'a justement écouté avec un morceau qui s'appelle The Refuge, voilà, en anglais. Et à l'instant, c'était notre ami Willy que nous avons reçu aussi il y a quelques semaines avec un morceau, voilà, pour sa chérie, qui s'appelle Chérie, voilà. On continue avec de la bonne musique. On a trois quarts d'heure encore à être ensemble, à écouter plein de bons morceaux. Et je vous propose d'écouter un artiste que nous avons reçu aussi cette année. Il s'agit de Monsieur Bruno Bauer, un artiste que j'ai beaucoup apprécié, hein, franchement. Il a beaucoup de talent et en plus, on va parler comme parler des Dirty Charlie, il est beau et il est gentil. Voilà. Under the Searchlight, c'est le titre qui vient juste après. On est ensemble jusqu'à 22h, c'est l'émission Marika et c'est sur Radio Arc-en-Ciel.

se fond en ce décor profond où chaque frôlement se fait intensément. Tout est multiplié pour me faire oublier la vie que je délaisse et tout ce que je laisse. Oublie tes merveilles. Soudain je me réveille, tout est si différent dans ce monde apparent. Les choses que je croise ont un regard turquoise qui transperce mon cœur de toute la douceur. Paladin, paladin, oh, paladin. Nous avons écouté Bruno Bauer avec Under the Searchlight. Et juste un instant, c'est l'invité de la semaine prochaine. Je vous l'avais pas encore annoncé. Bah, maintenant, vous le savez, c'est Élodie Chelot avec un morceau qui s'appelle Au Pays des Merveilles. Donc, ce sera ici, le Pays des Merveilles, la semaine prochaine, puisqu'elle sera avec nous pour l'émission numéro 489. Voilà, on va continuer avec de la musique française. Il s'appelle Jack F. On l'a déjà écouté tout à l'heure, puisque c'est le chanteur aussi des Uncle Biker, mais cette fois-ci, c'est son projet, lui, Jack F, avec Nos Folles Années. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Te souviens-tu de ces amours qui ne duraient pas plus d'un jour, mais qui nous écorchaient le cœur? Chantes-tu encore les idoles que l'on préférait à l'école, tant leurs refrains étaient frondeurs? Que reste-t-il de ces années? Bon an, mal an, moitié-moitié. C'est à peine si j'ai pu les compter. Te rappelles-tu des plaies des bosses que nous récoltions étant gosses dans les rues de notre quartier? Ressens-tu encore la colère quand nous rejetions de nos pères la sacro-sainte autorité? Que reste-t-il de ces années? Avec elles nous avons changé. On s'en est plutôt bien tiré. Nos folles années, le vent de la jeunesse, nos folles années, la flamme de l'ivresse. Que dire des propos aigres doux, ce qu'on échangeait entre nous, quand nos avis étaient contraires? Vis-tu toujours avec passion pour cette grande révolution qui n'est restée qu'une chimère? Que reste-t-il de ces années? Le temps peut-il réconcilier le rêve et la réalité? Nos folles années, le vent de la jeunesse, nos folles années, la flamme de l'ivresse. Nos folles années, le vent de la jeunesse, nos folles années, la flamme de l'ivresse s'en est allée. Cette porte plus que fermée, regardons-nous par la serrure. Armure à ceux qui passent, fais des aventures et sans audace. tiens et rejoins-moi dans mes pensées pour passer de l'autre côté près de moi. Si on veut rester digne et brillant, faut traverser sans les faux semblants pour que plus jamais on ne soit distant. Il faut déblinder même en assistant. Y a-t-il un fil? For Your Love. Ouais, les Custom avec For Your Love Rock'n'Roll. Juste avant, c'était le groupe Arcadia. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus. Et effectivement, ils sont venus à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mais ça commence à dater un petit peu. Le morceau qu'on a écouté s'appelle À la vie, à la mort. Encore avant, un artiste avec lequel j'ai du contact, mais qui n'est pas encore venu dans l'émission Mavrika. Il s'agit de Lion, ou Lion, comme vous voulez. Et c'était le morceau Il faut déblinder. Voilà, il faut se déblinder. Hein. Ça rien de garder une carapace, tout simplement. Jack F. encore avant avec Nos Folles Années. Voilà, on arrive bientôt à la dernière demi-heure de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein de bonnes musiques. Il y a plein de choses que je voudrais vous passer, mais franchement, 2-3 heures, c'est pas assez. On n'arrivera jamais à passer tous les morceaux que j'ai envie de vous faire découvrir et redécouvrir, parce qu'il y en a aussi pas mal que je reprends, qui ont déjà quelques années. Juste après, on va écouter donc après Custom. Custom, un groupe que nous avons pas reçu dans l'émission Mavrika, mais qui devait faire le dernier Mavrika Live, qui a été annulé. Donc, de toute façon, on garde des bons contacts avec eux et on espère très bientôt les recevoir ici déjà dans les studios pour présenter un petit peu leur groupe, pour mieux connaître leur univers. Et juste après, on va écouter Orphan Black, un groupe que nous suivons depuis le début, hein, depuis qu'ils existent. On connaissait déjà les membres avant même qu'ils forment ce groupe-là, puisqu'ils viennent d'autres formations. Et ils étaient en concert la semaine dernière à l'Astrolabe, comme vous avez pu le constater. Bah, moi, j'étais dans le studio, j'ai pas pu aller les voir, mais voilà, dès qu'une autre occasion se représentera, j'irai bien les voir avec plaisir, parce que franchement, ils envoient du bois, c'est un superbe groupe. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Silent. Juste après, il y aura Night Owl, voilà, je sais pas pourquoi je dis Owl, Night Owl, j'essaie de faire des accents anglais, mais bon, je sais pas exactement, ça vient d'Australie ou d'Afrique du Sud, je ne sais pas. En tout cas, c'est My Even, et c'est le morceau qu'on va écouter après Orphan Black. Et encore après, il y aura un morceau, comme je vous l'ai dit, que je vais repêcher un peu plus loin, il y a quelques années. C'est pas le dernier album de Yeti, mais c'est encore précédemment. C'est un morceau qui s'appelle Red Line Killer. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. C'est parti pour Orphan Black. Through the dark across the trail, rain starts to show the way. The valley and the moonlight. Silence is raging. Seems so far away. The winds of heaven whistles around. Echoing in the fold of my mind. Another day will be again. Silence is raging. Seems so far away. Seems so far. across the train. Aim starts to show the way. The valley and the moonlight. The silence is raging. Seems so far away. Seems so far away. Today, my last coin is far away. Just no need to hope. I'm gonna shoot down some of them. The first one was my fight, but it is here. It's friend who lost his mind. It's a sense of fist and pride. I'm hungry, I'm awake. Wake up! Don't walk through the want to ride man, I want to work for you. Want to ride man, just in any way you do. About to ride. Don't you know, don't you know? sanctuaire profané, point d'impact et au perdant, des chiens innocents, des amants, rue des cœurs battants, obscur et brûlant, l'amour à double tranchant droit dans le venin des amertés. La haine, la haine, la haine, elle est rancœur. La haine, la haine, la haine, elle est rancœur. Rue des cœurs perdus, les corps répandus, oui. KTS, Kill the Shade avec Rue des Cœurs. Juste avant, c'était les Shaky Mets avec Madman Blues. Encore avant, c'était les Blues Factory, un morceau enregistré dans l'émission numéro 185. Pour vous dire, ça date pas d'hier. C'est une reprise de Elvis Presley qui s'appelle That's Alright Mama. Et on avait juste avant Yeti avec Red Line Killer. Voilà, on va continuer encore. On va écouter deux petits morceaux, hein, même si on dépasse un petit peu de quelques minutes dans les horaires. C'est pas un problème. Vous êtes dans l'émission Mavrika et on avait prévu de passer juste après Adrenaline Motors avec le titre Adrenaline Motors. Et on terminera avec un monsieur qui est déjà venu deux fois ici donc pour nous parler de son projet. Il s'agit de Monston et on va écouter le dernier morceau que j'ai reçu de lui qui s'appelle Burning Star. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, restez-y. Et puis on va dire les phrases magiques. La première, c'est que le rock and roll saute avec vous. La deuxième, c'est Everything is gonna be alright. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, donc on sera le vendredi 3 décembre, déjà le mois de décembre, hein, on s'approche de Noël, on s'approche de la fin de l'année, on s'approche de 2022 où on espère que tout ira pour le mieux. Et puis on aura donc ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission numéro 9, je sais plus. Enfin, 489, il me semble, ouais, c'est ça. Elodie Chelot, en chair et en os, elle viendra ici pour nous parler de sa musique. On a écouté un petit morceau tout à l'heure, mais la semaine prochaine, elle vous développera beaucoup plus. Voilà, rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Et on termine donc avec deux morceaux, Adrenaline Motors et Manston. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et restez-y, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel. Entends le son qui les allait, on y voit ma tête toujours. the best of the amount is inside you, that's the thing I'm squeezed. I want you to excel, succeed in everything. Maybe I should take some professions, not to spread my wings. Anyway, I'm gonna hire us all as dancing potions as. And there are eyes alive, but who awaits us? All I want is to be inspired, so close to the sound of the burning star. Allow me my own memory, cross the path of Icarus right now. No país. Nos Açores não vai avançar para já a vacinação das crianças contra a Covid-19. O secretário regional de Saúde e Desporto, Clélio Menezes, adianta que a prioridade vai continuar a ser vacinar a população mais idosa. O nosso entendimento é proteger os mais vulneráveis sempre em primeiro lugar. Enquanto não concluirmos a vacinação dos mais vulneráveis, nomeadamente